la neige et les enfants. Si il aime le silence et le vent, si il pense un peu comme je pense, c'est gagné d'avance. L'homme que j'aime, ce sera lui. Si il aime la musique qui joue fort, encore un peu plus fort. S'il a dans le cœur une radio branchée sur l'équateur, s'il a dans la tête une certaine idée du bonheur. Mais je vous dis bien, si il aime la musique qui rend fou, s'il est encore un peu plus fou. Branché sur l'équateur, s'il a dans les yeux la force d'être toujours vainqueur, lui pour moi, tout pour lui. Moi qui aime les secrets de l'automne, moi qui aime Rimbaud et John Lennon. Un peu comme je suis, moi pour toute la vie. L'homme que j'aime, ce sera lui. Si il aime la musique qui joue fort, s'il m'aime encore un peu plus fort, s'il a dans le cœur une radio branchée sur l'équateur, je vous dis bien, si il aime les plages de Normandie.